Le séminaire des sociologues coréens au Japon pour le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, de 2016 du miracle à 2017 d'une plus grande victoire, a eu lieu le 18 courant à la Maison coréenne à Tokyo. Y ont pris part les membres de l'Association des sociologues coréens au Japon, les cadres responsables des organisations centrales et entreprises, les enseignants et les étudiants de l'université coréenne, les cadres de l'Association générale des Coréens au Japon de Canton et les autres Coréens au Japon. On a écouté les interventions sous les titres des succès de la première année de la stratégie quinquennale de développement économique de l'État et des perspectives de cette année et du changement de la position stratégique de notre République et de la stratégie vis-à-vis des États-Unis.